de l'argent dans mon frigo. Bonne nouvelle, je peux payer mes factures. Bonne nouvelle, mon voisin le peut aussi. Bonne nouvelle, le voisin de mon voisin le peut aussi. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, il y a une blonde devant chez moi. Bonne nouvelle, j'ai gagné au loto. Bonne nouvelle, ton fils et sa moto sont bien rentrés. Bonne nouvelle, plus personne ne connaît la fin de cette chanson. Bonne nouvelle, y'a plus de flingues, mais des clowns et des bonnes blagues. Bonne nouvelle, y'a plus de prison, mais des écoles dans un champ de rire. Bonne nouvelle, les enfants de nos enfants verront des éléphants. Bonne nouvelle, y'a de l'eau pour tout le monde. Allez santé, buvons ensemble. Bonne nouvelle, tous les politiciens sont humanistes. Bonne nouvelle, tout le monde dit bonjour, merci, au revoir. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Les derniers salauds sont altruistes. Et bonne nouvelle. Bonne nouvelle, petit Georges n'a pas fait de guerre. Une bonne nouvelle, cette chanson ne se terminera pas. Une bonne nouvelle, toutes nos maisons sont faites en chocolat. Une bonne nouvelle, un certain docteur a trouvé un remède contre le cancer. Bonne nouvelle, Israël et Palestine ont fait tomber leur foutu mur. Et bonne nouvelle, l'empire du milieu connaît une liberté nommée la presse. Bonne nouvelle, y a plus d'arbres qu'il n'y a d'argent. Et bonne nouvelle, et bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle, je n'ai pas pensé ce foutu poème. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, et encore des gens qui veulent changer le monde. Bonne nouvelle, seul l'amour compte encore. Bonne nouvelle, et bonne nouvelle.